Chapitre 5e. Une petite demi-heure plus tard, j'entends les voitures de la brigade remonter vers moi. Je comprends, au bruit que font les moteurs, que les gendarmes roulent beaucoup plus vite que moi tout à l'heure, qui me traînaient comme un mouligas. Dès leur arrivée, les gars de la brigade procèdent comme à leur habitude, chacun s'affaire de son côté. Norbert Pommard, le mari de Denise, né Verme, descend de l'estafette. Chez lui, tout pend sous la pluie. La moustache, les cheveux, le nez, la bedaine. Il a l'air bouleversé, d'une pâleur verdâtre si intense qu'à la lueur des phares, il en est presque fluorescent. Il pénètre dans le fourgon pour reconnaître le corps, rien que le corps seulement, car pour le visage, ce serait une autre histoire. En redescendant du fourgon, il reste là, les bras ballants, et murmure « Comment je vais faire maintenant ?» Impossible de savoir si cette question angoissée concerne son cœur ou son commerce. Serge, à son tour, pénètre dans le fourgon, prend un coup d'œil très rapide, histoire de ne pas se faire traiter de voyeur par les collègues gendarmes. Louis arbore une mine guère plus brillante que celle du boucher. J'ai l'impression qu'il se voit emporté dans un maelstrom d'emmerdement, dans un moulon d'engambie, pour parler comme chez nous, et je ne voudrais pas être à sa place. Gigi me tire par la manche. « On s'en va, Gino ? Moi, je suis fatigué, et on peut plus servir à grand-chose maintenant. Viens, on rentre, s'il te plaît. » Serge et Sylvia remontent aussi dans leur bagnole. Avant de partir, je glisse à Louis. « Louis, on ne veut pas te laisser dans la merde, mais si le parquet nous trouve encore là, ça risque de faire vinaigre. Si t'as le blues, tu peux venir à n'importe quelle heure. Je passerai te voir demain, à moins que ça ne te dérange. »« Non, viens avec Serge, on parlera. Puis il faut que je prenne votre déposition, Gilda et toi, puisque c'est vous qui avez découvert le corps. » Arrivés à la maison, nous faisons cercle, assis autour de la table, pour essayer de confronter nos observations et pour mettre Paula au courant. Cette fois, il n'y a pas de doute possible, c'est bien le meurtrier qui nous envoie les billets. Mais pourquoi nous, fans de pétan? Pourquoi il ne les envoie pas à Louis? Qu'est-ce qu'on lui a fait, nous? Oh, cherche pas Gino. Si c'est quelqu'un qui est vraiment de Marseille, il a peut-être de bonnes raisons de nous en vouloir. En tout cas, la femme a été tuée ailleurs que là où on l'a trouvée. On aura dû attendre l'arrivée du légiste pour savoir à quelle heure à peu près on remontait la mort. C'est piteux, ce mec. Il vous donne un billet parce qu'il sait qu'on ne découvrira le meurtre qu'une fois qu'il a été commis. C'est facile, ça, fait Gigi. Pas exactement, dit Serge. J'ai l'impression qu'il joue avec ses nerfs et les nôtres. Il se dérouille pour commettre son crime juste avant que nous ayons le temps de décoder le message. Pour lui, ce doit être une espèce de jeu, de course-poursuite. Ça doit faire partie de son plaisir d'assassin. En somme, il nous avertit sans nous avertir vraiment. Le tombeau aussi fait partie de son jeu. Elle avait raison, Sylvia. Il y a chez lui un côté infantile. À moins que ses mobiles remontent loin dans son enfance, qui sait? Vous avez remarqué que la morte ne portait pas de culotte? Peut-être que cette fois, il y a eu viol. Elle ne met peut-être jamais de culotte. Oh, ne ris pas, Gino, il y en a qui le font. Et c'est peut-être pour ça qu'il l'a traité de souillon. Va savoir. Vous n'avez pas trouvé bizarre qu'il y ait des saucissons et du pâté partout? C'était le raï dans ce camion. Ils se sont peut-être tapés dessus, ou elle s'est débattue. Il me semble aussi que l'écriture du mot sur la cuisse n'est pas la même que la première fois. Tu n'as pas remarqué? À la vérité, non. J'étais tellement stupéfait par la scène. En tout cas, le pauvre Louis peut avoir du mal pour trouver des traces ou des indices. Avec la flotte qu'il est tombée. La conversation tombe un instant. Nous nous sentons accablés par une atmosphère morbide qui finit par nous bousiller le moral. « Vous ne pensez pas qu'on ferait mieux de mettre les bouts ?» propose Sylvia. « Ça pue la mort ici. »« Écoute, on va voir demain comment est Louis. Si ça ne lui fait rien qu'on s'en aille, on y réfléchira. » Le lendemain, un temps radieux nous lave les yeux et la cervelle. Le moral remonte au fur et à mesure que le soleil grimpe dans le ciel. Nous descendons tous ensemble au marché, histoire de nous changer les idées. Les femmes sont bien décidées à acheter des fanfreluches et quelques menus verroteries aux indigènes du coin. Tu parles d'indigènes. Serge et moi avons décidé de nous infiltrer parmi l'agent charcutière pour essayer de soutirer quelques infos sur Denise, paix à son âme. Nous laissons nos épouses et passons d'abord voir Louis à la gendarmerie. Pas question d'alerter la populace si le crime n'est pas encore connu des quidam. Nous trouvons Louis au 36e dessous, bien qu'il soit au rez-de-chaussée. « Macarel, on est dans la merde. Le juge veut vous voir. Il ne comprend pas ce que vous venez foutre dans cette histoire et pourquoi c'est à vous que le meurtrier envoie les billets. Il m'a même dit, si ça se trouve, c'est un des deux qui les écrit. Vous voyez un peu l'ambiance. T'inquiète, on va aller le voir, ton juge, et on te tiendra au courant. Il devrait arriver dans pas longtemps. Attendez-le là. Pendant ce temps, on va prendre ta déposition, Gino. Ah, au fait, Denise est morte d'un enfoncement du rocher avec hémorragie cérébrale. Elle s'est fracassée le crâne en tombant sur la marche en alu de la cabine du camion. En plus, fracture d'une cervicale. Ce n'est qu'après qu'on a dû lui filer un coup de tranchoir en pleine poire. Bien évidemment, ma déposition est assez rapide et n'apporte rien de nouveau. Quelques minutes plus tard, le même juge que j'ai déjà rencontré sur le plateau de Blandas lors de l'assassinat de Colette fait irruption dans le bureau de Louis. « Ah, vous êtes là !» nous fait-il. « Ça tombe bien, je voulais vous voir tous les deux. »« Je vous laisse mon bureau, monsieur le juge, » dit Louis en sortant. Le juge s'installe et nous fait signe de nous asseoir. « Bon, je crois que vous êtes tous les deux officiers de police au SRPJ de Marseille, c'est ça ?»« Je vous ai déjà vu sur le plateau de Blandas. » « Oui, monsieur le juge. Personnellement, cela fait une quinzaine d'années que je suis commissaire. »« Moi aussi, je suis commissaire, monsieur le juge, mais seulement depuis 5 ans, dit Serge. Nous avons à notre actif l'élucidation d'affaires de banditisme assez importantes dont vous avez certainement entendu parler. »« Oui, vaguement. Vous savez, pour nous, Marseille, c'est loin. Mais en l'occurrence, vous n'êtes pas ici pour exercer vos fonctions. Alors expliquez-moi pourquoi l'assassin vous adresse spécialement ces billets annonciateurs. »« Je ne sais pas, monsieur le juge. » « J'ai une petite idée sur la question, mais ce n'est qu'une pure hypothèse. »« Eh bien, allez-y, je vous écoute. »« C'est peut-être une façon de nous dire. »« Vous voyez, si grand commissaire que vous soyez, je me fous de votre gueule, et je suis bien plus coriace que les rigolos que vous arrêtez habituellement. »« Il nous défie, et ça fait partie du jeu pour lui, car c'est un jeu, j'en suis certain, tout comme l'idée d'utiliser un tampon avec un cobra et de marquer ses victimes d'insultes. »« Bon, acceptons, mais pourquoi ne joue-t-il pas ce jeu avec Fréjol ?» Je n'en sais rien. Peut-être par respect pour l'uniforme. En tout cas, dit Serge, c'est quelqu'un qui nous connaît physiquement, et pas seulement de nom. Sinon, comment aurait-il pu identifier la voiture de Gino? Comment a-t-il su où nous habitions? Soit il nous connaît de Marseille, soit quelqu'un lui a dit qui nous étions. Eh oui, monsieur le juge, et c'est pourquoi, avec le capitaine, nos soupçons se portent sur des gens qui viennent des Bouches-du-Rhône, voire de Marseille même. Cela ne m'avance guère. Si, sur la provenance géographique possible du tueur, dit Serge. En revanche, sur sa personnalité, nous en avons longuement discuté avec Fréjol. D'après les billets, nous sommes arrivés à la conclusion que c'est quelqu'un d'une 40aine d'années au moins, avec un bon bagage scolaire. Certainement un caractère ferme, volontaire, avec tendance au secret et au mystère. C'est aussi quelqu'un qui aime le jeu, en faisant remonter en lui des souvenirs d'enfance, des messages codés, des symboles, des poussées d'adrénaline dans des prises de risques inutiles. Il est possible que ces mobiles s'enracinent dans l'enfance ou l'adolescence. Là, pour le coup, le juge a l'air beaucoup plus intéressé. Il appelle Louis à travers la porte. « Mon capitaine, je pense que le malentendu est élevé avec vos amis. Le profil du tueur est très intéressant. »« Ah, et le sexe du tueur, commissaire ?»« Impossible à déterminer pour l'instant. Pas vrai, Louis ?» Je tiens à associer mon copain à la discussion de façon à ce qu'il ne se sente pas mis à l'écart ou frustré. Après tout, c'est son enquête et je ne voudrais pas qu'il en soit dessaisi. Le juge a l'air rassuré par notre discussion. Bon, messieurs, je vous demande la plus grande discrétion. Montrez-vous le moins souvent possible ici. C'est dans l'intérêt du capitaine et du vôtre. Vous imaginez si le proc passait un coup de fil au SRPJ? Pour nous, ça craindrait et Fréjol serait dessaisi de l'enquête. Méfiez-vous des journalistes comme de la peste. Dans la région, on ne les distingue pas facilement de la population. Ah, Fréjol, il vaudrait mieux que la teneur des billets reste à ignorer le plus longtemps possible. Ça donnera moins d'importance à la mise en scène du tueur. Demandez le secret au mari ou amant des victimes, et à vos hommes, bien entendu. C'est déjà fait, monsieur le juge. Nous allons avoir le rapport du légiste et de l'examen du fourgon. Nous verrons ce que nous pouvons en tirer. En sortant, le juge croise Gilda, qu'il salue très cérémonieusement, avec une drôle de lueur dans l'œil. Elle lui répond par un sourire et un hochement de tête, puis entre dans le bureau. Alors que Gilda est juste en train de s'asseoir, le juge pénètre à nouveau dans le bureau de Fréjol, après un rapide coup frappé à la porte. « Je vous prie de m'excuser, mais j'ai une dernière précision à vous demander. » Il lance un rapide coup d'œil à Gilda et me fait signe de le suivre dans le couloir. « Dites-moi, commissaire Volpi, il y a une chose que je ne suis pas sûr d'avoir bien saisie. » Le tueur a été renseigné par quelqu'un de Marseille, je vous l'accorde. Mais pour connaître aussi bien ses victimes et leur reprocher leurs mœurs, je maintiens que c'est bien un habitant du coin. Bien sûr, monsieur le juge, je partage votre avis, avec une légère variante. C'est qu'il est possible que cette personne vive maintenant à Marseille et qu'elle ait passé un certain nombre d'années ici, voire toute sa jeunesse. « Oui, évidemment, » fait le juge, dubitatif. « Allez, je le file. » L'après-midi, nous sommes restés cantonnés à la baraque, bloqués par un orage dans lequel toute la colère du Très-Haut s'est concentrée. On a enchaîné tellement de parties de tarot que je n'avais mal à la main, à force de tenir les cartes. Sous les vastes combles, Serge et son fils ont rejoué la Coupe du Monde de foot, faisant vibrer toute la baraque.